Chapitre 8e, pour être maman. Pendant que ces événements se passaient en Amérique, pendant que Darling chevauchait sous la garde de Pugnose au milieu des cow-boys, pendant que dans la Chinatown, dans la boutique, le comte de Saint-Rion avait cette entrevue avec Footsie, pendant que Hayamaki commençait à voir poindre des jours heureux pour sa chère branche de glycine, Tsuru et son petit Sessou, loin de là, bien loin, en France et au Batignol, une scène plus douloureuse se passait. C'est dans l'appartement de la belle bourbonnaise, dite maintenant Madame Veuve Dubois, Mame Dubois. Depuis quelque temps, Paulette était triste et pleurait sans qu'il fût possible d'arrêter ses larmes, de couper ses sanglots. Dans une plainte incessante, Paulette réclamait sa maman. Zélie lui disait « Bientôt, ma chérie, bientôt tu l'auras, ta maman. Dans combien de temps ?» demandait Paulette. « Dans quelques jours. » Mais ces quelques jours n'arrivaient jamais. Paulette, enfin, n'y tenant plus, demanda à soir à la belle bourbonnaise, entre deux crises de grosses larmes. « Alors, madame, vous croyez que je vais rester toujours avec vous ?» La belle bourbonnaise, au lieu de répondre à la question de l'enfant, lui posa ses questions. « Dis-moi, Paulette, est-ce que je ne t'ai pas bien soignée ?»« Si, madame. »« Bien fait déjeuner, dîner, faire le goûter à 5 heures ?»« Si, madame. »« Est-ce que je ne t'ai pas bien gâtée ? » ?»« Est-ce que tu n'as pas eu toutes sortes de friandises ?» Est-ce que je ne t'ai pas mené voir Guignol ? Aussi, madame, mais j'ai bien ri, j'ai ri, et cependant, et monté dans la voiture des chèvres ? Est-ce parce que tu n'as pas une belle poupée, presque aussi grande que toi ? C'est vrai, madame, je vous remercie, vous m'avez gâtée, mais quand même, je voudrais bien voir maman. Et l'enfant redemanda : Alors je vais rester toujours avec vous ? Nous n'allons plus retourner là-bas, à la tilleuse. Nous n'allons plus voir ma maman. Ma maman et mon bon papa et grand-mère, nous ne verrons plus personne. Je vais toujours rester avec vous, même quand je serai grande, toute ma vie. » La belle bourbonnaise sembla, après un moment d'hésitation, prendre une résolution et répondre à la fillette qui, debout, la regardait, fixant sur elle ses yeux bleus tout grands ouverts. Elle attira Paulette à elle, doucement. « Viens, ma chérie, viens, écoute-moi. Tu es une belle petite fille. Tu vas être bien sage. Tu auras du courage. Tu seras comme une petite femme, une vraie grande petite fille bien gentille. » « Oui, madame, mais dites-moi si vous n'allez pas bientôt me ramener à la tilleuse. » La belle bourbonnaise, qui avait pris Paulette sur ses genoux, attira à elle une longue boîte de magasins de nouveautés. Elle en fit sauter le couvercle, et de la boîte, elle tira un costume noir. « Regarde, » dit-elle doucement à l'enfant, « regarde. C'est pour moi encore ?» La femme perçait d'instinct chez l'enfant à la vue d'un costume nouveau. « Oui, c'est pour toi. Veux-tu l'essayer ?» Paulette sauta à terre. La belle bourbonnaise, avec soin, tout en embrassant au fur et à mesure qu'elle les passait dans le vêtement, soit les petits bras tout blancs, soit le cou rosé de la fillette, revêtit l'enfant du costume nouveau. Puis elle conduisit Paulette, la tenant par la main, devant la glace de l'armoire. « Regarde-toi, mignonne, regarde-toi maintenant. » Paulette jeta un coup d'œil dans la glace. Elle se complut, certes, à regarder sa délicieuse image. Le noir va bien au blond et Paulette, comme sa mère était exquise en blonde. Mais le noir attriste toujours. L'enfant, qui voulait se sourire à elle-même, sentit cependant sur ses lèvres son sourire s'arrêter, se figer, ne pas éclore. Le sourire est la fleur des lèvres qui ne peut naître qu'au soleil du bonheur. Paulette demeura là, se regardant, saisie et très surprise. Ne faisait pas ces mines charmantes qu'à toute femme, même enfant, devant un miroir. Paulette regardait non plus elle, non plus Paulette dans un nouveau costume, mais le costume noir qui enveloppait Paulette. « Mais, madame, c'est un costume de deuil que vous me donnez. Je suis donc en deuil. » La belle bourbonnaise, cette fois, l'enleva de terre et la serra sur sa volumineuse poitrine. « Ma chérie, ma pauvre chérie, » dit-elle. Paulette comprit, devina, pressentit le malheur qui la frappait. Elle poussa un cri. « Maman, ma maman est morte. » « Oui, ma pauvrette, tu es orpheline. » « Orpheline ? Je suis orpheline ?» Ce mot que peut-être l'enfant n'avait jamais entendu prononcer, ce mot terrible, épouvantable, elle en devina aussitôt toute la tristesse, toute la douleur. Mais le coup avait porté. La belle bourbonnaise maintenant crut pouvoir achever. « Oui, ma mignonne, tu es orpheline. Ma maman n'est plus. Oh mon Dieu ! Ma maman, ma pauvre maman ! Paulette sera aimée, sera chérie, sera gâtée. « Oh, ce ne sera jamais comme par maman. »« Sans doute, mais tu finiras par t'habituer. »« Non, jamais. Je mourrai avant. J'irai retrouver ma maman au ciel. » « Tu n'es pas la seule qui n'ait pas de maman. » Paulette s'étonna. « Comment ? Il y a des petites filles qui n'ont pas leur maman. » « Beaucoup, hélas. Et elles vivent quand même, sans doute. » « Oh, alors elles doivent être bien malheureuses. Et moi, je vais être comme elles, bien, oh, bien malheureuse. » L'enfant éclata en sanglots que la belle bourbonnaise ne parvenait pas à calmer. Elle dut cependant, tout en berçant l'enfant, lui donner une version appropriée des événements. « Maintenant, ma chérie, tu es une petite fille à moi. » Paulette se récria. « À vous ? Non, madame, non. »« Si, ma chérie. Oh non, madame, ce n'est pas possible. Je ne suis pas votre petite fille. Je ne suis pas votre enfant. Écoute, ma chérie, tu m'as vu venir à la tilleuse quand ?»« Oh, tout d'un coup, quand il y avait dans la maison quelque chose que je ne sais pas, quand grand-mère pleurait, quand il y avait un soldat, un médecin, quand il y avait aussi une bonne dame qui soignait maman. Vous êtes venu, vous, quand il y avait de la fumée. » Pendant qu'il y avait le feu dans la maison. C'est cela. Je suis venu au moment de la fumée, au moment du danger, et c'est moi, moi, tu entends, chérie, c'est moi qui t'ai arraché à la mort au feu. Le feu, sans moi, t'aurait brûlé toute vivante. Il fallait me laisser avec ma maman, mourir avec ma maman. Je suis venu, chère Paulette, appelé par ton bon papa, ta grand-mère, malade aussi, parce que je devais quand même te prendre. Me prendre, moi? Vous deviez me prendre, m'emporter, oui. Pourquoi ? Précisément pour ne pas te laisser dans cette maison pleine de deuil. Pour que tous ces malheurs qui s'abattaient tout à coup sur la tilleuse, tu ne les vois pas, ou qu'ils ne frappent pas ta jeune imagination, pour t'épargner du chagrin. Ce n'était pas possible, puisque ma maman était morte, je devais quand même avoir beaucoup de chagrin. L'enfant ne voulut rien écouter. Elle se remit à sangloter affreusement. Elle eut une vraie crise de douleur, de larmes. À tout ce que chercha à lui dire la belle bourbonnaise, pour la calmer, elle répondait par ces mots, qui revenaient incessants sur ses lèvres. « Ma maman, ma maman !» Pendant une longueur, l'enfant pleura ainsi, tordant ses mains nerveusement, effrayant maintenant la belle bourbonnaise. Puis, accablée, elle étendit ses bras, allongea ses petites mains, et roula sur les genoux de Zélie, cette fois affolée. « Paulette, appela-t-elle, Paulette, ma chérie, reviens-toi, voyons !» « Ma petite, mon mignon, Paulette, Paulette !» Mais l'enfant ne bougeait pas. La belle bourbonnaise eut la sensation de tenir ainsi non plus la fillette, mais le cadavre de l'enfant. Elle leva de ses bras, le bras retomba inerte. La belle bourbonnaise commença à perdre la tête. Elle comprenait que le rôle de maman est difficile, complexe, qu'il ne s'improvise pas. Il ne suffit pas d'avoir une jolie petite fille charmante comme Paulette, de lui acheter des douceurs, de l'amuser en lui montrant Guignol, de lui mettre de belles robes et de l'appeler ma fille pour devenir sa maman. Il ne suffit pas de cela, même de bonne volonté excessive, de tendresse aussi, pour devenir bonne mère. Être mère est très difficile pour qui ne l'est pas vraiment, et être maman pour qui n'est pas déjà mère, c'est presque impossible. Car la différence est grande entre mère et maman. Que de mères, excellentes d'ailleurs, ne sont qu'aux mères et ne parviennent pas à être de vraies mamans, de simples mamans. Mère implique tous les devoirs de la maternité. Maman, tout ce qui est en plus de ce devoir, tout ce que rien n'indique, que le cœur fait deviner, que l'âme inspire, enfin tout ce qui est compris dans cette appellation unique, idéale, divine, maman. Maman qui est le premier mot que bégaye l'enfant, par tradition, par atavisme, qui est peut-être le dernier mot de ce qui fut le langage du paradis perdu, le seul mot universel dit par tous les enfants à leur venue au monde, le seul mot sans doute qu'ils ont appris de Dieu. La belle bourbonnaise, avec son sentimentalisme outré, sa tendresse un peu boursouflée, voulait être maman. Elle n'y parvenait pas. Mais quelle femme autre que Zélie, quelle mère, sachant même être la maman d'autres enfants, pouvait, pour cette petite, être la maman ayant cette qualité, ce don, de remplacer la première maman, cette douce et tendre Madeleine. Voyant que malgré ses appels, malgré ses caresses, Paulette demeurait sans mouvement, la belle bourbonnaise, ne sachant vraiment que faire, pensa qu'elle devait tout d'abord coucher l'enfant. Elle la mit donc au lit. Puis prenant un peu de vinaigre de toilette sur un coin de serviette, elle lui frotta les tempes sous les mèches dorées. Paulette, sous la fraîcheur de la lotion acidulée, respira un peu plus fort. Puis, douloureusement, les paupières battirent comme des ailes d'oiseau effarouchées. Elle entr'ouvrit les yeux pour les refermer aussitôt, comme si le jour lui était pénible à supporter. Enfin, il repartit dans son sommeil étrange. La belle bourbonnaise, pour que l'enfant fût mieux, se trouva plus à l'aise pour dormir, la déshabilla. Elle lui ôta le vêtement neuf, le costume de deuil, la robe noire qui lui avait appris qu'elle était orpheline, qu'elle n'avait plus sa maman, et qui en somme était cause de cette syncope d'où on ne pouvait la tirer. Si la belle bourbonnaise, dont les intentions envers Paulette étaient excellentes, avait été vraiment maman, elle aurait su qu'il est à peu près impossible à une enfant comme Paulette, dont l'esprit est très ouvert, l'intelligence très éveillée, qui se trouve de beaucoup en avance sur son âge, qui est sensible, nerveuse au suprême degré, de supporter coup sur coup des chocs pareils, des changements d'existence comme ceux-ci sans en ressentir promptement un violent contre-coup. Elle l'aurait prévu, et en ce moment ne s'en trouverait pas aussi désorientée, affolée, devant le petit lit, ne sachant que faire, comment s'y prendre, pour soulager la fillette, la tirer de cet état alarmant, la faire revenir à elle. Elle aurait eu tout au moins une de ces belles inspirations qu'ont toutes les mères, toutes les mamans, quand leur enfant souffre, qu'elle le croit en danger. La belle bourbonnaise ne savait pas. Elle crut qu'après avoir frictionné les tempes de Paulette avec du vinaigre de toilette, il fallait lui donner quelque chose à boire. Aussitôt, elle prépara un verre d'eau sucrée. Plus ou moins heureusement, en répandant du liquide de chaque côté de la figure, voire dans les narines de la fillette, elle le lui fit en partie avaler. L'eau sucrée, pas plus que le vinaigre de toilette, ne donna le résultat attendu. « Il lui faut quelque chose de mieux que ça, » se dit alors la belle bourbonnaise. « Moi, je n'ai pas non plus grande confiance dans l'eau sucrée. Il faut un cordial à cette petite. » Elle alla prendre la bouteille de rhum. « Ça, » fit-elle, « ça fera plus d'effet. C'est meilleur. » La belle bourbonnaise avait une prédilection pour le rhum. Prédilection que d'ailleurs elle étendait au cognac. Rhum et cognac, avec ça on peut vivre, et même revivre. C'est sain, c'est bon, c'est le nectar de l'humanité, le lait des grandes personnes. De fait, elle en prenait elle, non seulement comme une de ces grandes personnes, mais aussi comme une grosse personne. Elle en prenait, je n'ose dire en proportion de son poids, mais à peu près. Toutefois, cette saveur marquée plusieurs étoiles, qu'elle manifestait pour le cognac et le rhum, ne l'empêchait nullement de faire bon accueil à tout autre liquide, qu'il s'appelât liqueur, apéritif ou digestif ou seulement vin de table. La belle bourbonnaise buvait tout et buvait bien. Elle pensa donc faire du bien à l'enfant, lui faisant avaler un petit verre de ce qu'elle appelait cordial. Avec une cuillère, entr'ouvrant les lèvres décolorées et les dents menues et blanches comme des grains de riz de la fillette, elle fit glisser un peu de rhum pur dans la gorge de l'enfant. Cette fois, l'effet fut énergique, plus violent même que ne l'espérait la belle bourbonnaise. « Du vieux rhum, » affirma-t-elle, « c'est comme du velours. » Mais pour les muqueuses délicates de l'enfant, ce velours fut violent comme un corrosif. Paulette aussitôt se dressa, demi-asphyxiée, suffoquant, ne pouvant respirer, ouvrant toute grande la bouche pour appeler de l'air et se tournant comme une noyée. Cette fois, la belle bourbonnaise fut prise de frayeur. Elle crut que l'enfant, dans cette douleur, allait expirer horriblement. Cependant, elle eut cette bonne inspiration de profiter d'un moment où, pour appeler de l'air dans sa gorge corrodée, Paulette ouvrait la bouche pour y glisser à tout hasard encore une cuillerée d'eau sucrée. Cela calma un peu la douleur de l'enfant, atténua les effets nocifs de l'alcool, ce velours. Paulette put enfin prendre sa respiration, mais dolente, souffrant encore beaucoup, elle demeura toujours inerte, sans force, sans pouvoir bouger dans son petit lit. Seulement à présent, les yeux étaient ouverts. Il regardait la belle bourbonnaise, il se tenait obstinément sur elle, la suivait de façon inlassable, avec une fixité inquiétante. Puis tout bas, incessamment, Paulette appelait. « Maman, maman, ma pauvre maman !»« Diable, diable !» disait la belle bourbonnaise anxieuse. « Qu'est-ce que cela veut dire ?» Cette petite m'a l'air de couver quelque maladie, elle pensa. Les maladies des enfants sont toujours dangereuses, parfois très difficiles à soigner, très longues à guérir. Elle ajouta. Me voilà dans une jolie situation. Si je dois être garde malade de cet enfant pendant des mois, ah, j'ai fait un joli coup de la prendre. La belle bourbonnaise commença à sentir le poids de cette responsabilité et la lourdeur de la charge de sa maternité. La nuit qui suivit fut épouvantable pour Paulette. Elle ne dormit point. La belle bourbonnaise eut beau la dorloter, lui chanter de ses romans sentimentales et longues, à mi-bois, l'enfant ne s'endormait pas. Par moments, Paulette était prise de frissons. Elle grelottait comme si, toute nue, on l'eût mise dans la neige. La belle bourbonnaise l'enroulait dans des couvertures. Mais aussitôt, l'enfant se couvrait de sueur. Elle étouffait de chaleur. Il fallait l'éponger, comme sortir d'une étuvée. Vraiment, la belle bourbonnaise y perdait la tête. Toute la nuit, ce fut ainsi. Pour se tenir éveillée, car ce grand et gros corps avait besoin de sommeil, la belle bourbonnaise eut recours au café dont elle absorba plusieurs tasses. Ces tasses, elle les corsa comme il convient en y ajoutant tout d'abord une cuillerée de cognac. Puis au fur et à mesure qu'elle absorbait du café, chaque gorgée était aussitôt remplacée par du cognac. Si bien que cette tasse de café initiale finissait par n'être plus qu'une tasse de cognac, dans laquelle le café était imperceptible. Après la bouteille de cognac, ce fut la carafe de rhum. Elle eut à jouer le même rôle et s'appela tasse de café jusqu'au bout. Le flacon de rhum ne contenait plus rien, quand heureusement le jour apparut. La belle bourbonnaise respira. Elle avait engagé une femme de ménage qui venait nettoyer le petit appartement qu'elle occupait et lui montait des provisions. Mais elle n'attendit pas la venue de cette brave femme. Elle descendit chez la concierge et lui dit que cette nuit son enfant avait été malade, que ce matin elle n'allait pas mieux et qu'enfin il fallait à toute force voir un médecin. Toutes les concierges de Paris connaissent un médecin dans le quartier. Une heure après, le docteur Billet sonnait chez la belle bourbonnaise. En entrant, il fut pris au nez par l'odeur de cognac et de rhum qui remplissait l'appartement. « Oh » dit-il, « vous n'en avez pas fait prendre à l'enfant !» La belle bourbonnaise, se doutant que le docteur allait voir qu'elle l'avait fait, ne crut pas devoir mentir. « Si, docteur, si, j'ai cru bien faire en donnant un peu de cordial à ma fille. » Le docteur hocha la tête. « D'ailleurs, ajouta la belle bourbonnaise, la petite n'a pu l'avaler. Tant mieux !» Elle l'a rejetée tout de suite. Le docteur Billet se trouvait maintenant devant le lit de l'enfant. « Elle est jolie, cette petite !» ne put-il s'empêcher de s'écrier. « N'est-ce pas, docteur ?» fit la belle bourbonnaise avec fierté. « Mais ce n'est pas votre fille ?» dit le docteur un peu brusquement. Zélie sursauta. Comme pour le cognac, elle ne voulut pas encore une fois charger sa conscience du péché de mensonge. « Non, docteur, non, ce n'est pas ma fille, mais elle va le devenir, hélas. Comment cela ? Voyez. » La belle bourbonnaise montra la fameuse robe noire. « C'est la fille de ma fille. Elle est orpheline. C'est moi qui vais l'élever. Ah, docteur, c'est bien triste. Toute une histoire de famille. Des plus douloureuses, allez, des plus navrantes. » Le docteur craignit de s'être trop avancé. Il redouta un long récit d'aventure qui, en somme, ne l'intéressait nullement. C'était un brave homme établi dans le quartier depuis plus de 30 ans. Il avait soigné à peu près tout le monde, tous les malades de fortune moyenne. Les secrets des familles des gens de son domaine, comme il disait, lui étaient connus. On les lui racontait sans qu'il le demandât. Il écoutait parce qu'en somme, les confidences font en quelque sorte partie de la maladie et qu'il semble à certains malades qu'ils ne peuvent faire soigner un rhume de cerveau sans raconter aux médecins leur généalogie et les détails de leur existence, de la vie de toute leur famille. Le tout pour attraper, si possible, pour le même prix, un surcroît de consultations concernant le parent qui accompagne le principal malade. Les docteurs n'en sont nullement dupes, mais pour conserver leur clientèle, ils se prêtent bénévolement à cette petite supercherie. Mais ici, le docteur Billet se souciait peu d'écouter les doléances de la belle bourbonnaise. Il avait senti, quand elle lui ouvrit la porte, quand elle le fit entrer dans la chambre de Paulette, quand elle soupira son hélas, il avait senti son haleine. Cette haleine trahissait l'absorption de la bouteille de cognac, du flacon de rhum, qu'il voyait vide, sur une commode à côté du lit. Redoutant l'émotion que ces liquides devaient susciter, et n'ayant guère le temps d'écouter un récit qui promettait de durer longtemps, le docteur Billet, d'un geste, coupa la parole à la belle bourbonnaise. « C'est bon, madame, dit-il, c'est bon. Il me suffit de savoir que cet enfant n'est pas votre fille. » Et s'approchant du lit, « Voyons cette malade. » Paulette tourna vers lui ses yeux brillants. L'étonnement s'y lisait, l'anxiété. « Quelle est cette nouvelle figure ?» se demandait l'enfant qui, depuis quelques jours, voyait autour d'elle tant de personnages nouveaux. À la tilleuse, elle n'avait vu depuis sa naissance que peu de monde. Les vieux Porfilet, le garçon de ferme, parfois mais rarement un voisin. C'était tout. Elle pouvait s'imaginer que l'univers se composait uniquement de ces quelques personnes amies et de son papa qui allait bientôt revenir, qu'on attendait tous les jours, dont on lui parlait sans cesse. Voici que tout d'un coup on l'arrache à la tilleuse. il vient dans un endroit, dans Paris, où il y a du monde toujours nouveau, et encore du monde infiniment, et justement, où ne se trouvent pas ceux que de tout temps elle a connus, aimés. Personne de cela. Personne n'est là. C'est un phénomène que dans sa petite tête, Paulette ne peut comprendre. Ce matin, voici que quelqu'un, encore une nouvelle figure, passe devant ses yeux. Et ce monsieur, un bon vieux, alors qu'elle croyait qu'au monde, il n'y avait que son bon papa de vieux, s'approcha de son lit. « Le docteur, ma chérie, » lui dit la belle bourbonnaise. Le mot de docteur ne dit rien à l'enfant. Elle ne sait pas ce qu'il signifie. Jamais à la tilleuse il n'est venu de docteur, même pour grand-mère, cependant malade. Paulette, alors, plus intriguée, regarde celui qu'on lui désigne comme docteur. Il a l'air bon, avec sa figure rasée, n'ayant gardé aux joues qu'une touffe de barbe blanche. Il ressemble un peu au père Porfilet. C'est peut-être, pensa Paulette, un grand-père aussi. Pour les enfants, tous les vieux sont des bons papas, c'est logique. En effet, tous les bons papas sont vieux. Il semble que ce soit une loi naturelle, puisque bien malheureux sont les vieux qui n'ont pas de petits-enfants. Celui-ci donc, avec son air de bon papa, rassura Paulette. C'était la première fois même, depuis qu'on l'avait arraché à la tilleuse, qu'elle trouvait ainsi un visage qui lui plaisait tant, qui lui inspirait confiance. Alors le sourire, que sa bouche paraissait d'abord oubliée, reparut. Elle eut un peu de ce sourire qu'elle avait le matin à son réveil quand, autour de son lit, se trouvait sa maman si blonde et la figure cerclée d'argent de bon papa si blanc. Le docteur Billet la regarda un moment. Puis il lui prit le poignet, le tint dans sa grosse main, en consultant une montre d'or épaisse, sur laquelle, instinctivement, la belle bourbonnaise jeta un coup d'œil. Tout en pensant à l'illustre Perpignan si amateur de belles montres. Puis le docteur remit dans son gousset qu'elle gonfla comme si ce fût une pomme la jolie montre d'or. « Hum, fit-il. Hum. » Il jeta à la belle bourbonnaise un regard qui n'avait rien de satisfait. « Qu'y a-t-il, docteur ? » fit celle-ci très inquiète. « Hum, reprit le docteur. Le médecin écarta alors les draps du lit et mit à nu le petit corps de Paulette. « Hum, fit-il plus sourdement. Il appuya un doigt sur la poitrine. La trace blanche de la pression mit longtemps à redevenir rosée. Le ventre de la petite était dur, ballonné, et comme la poitrine, baigné de marbrure verdâtre avec des filets rougeâtres. « Hum, fit une dernière fois le docteur en rabattant la chemise et les draps sur l'enfant. Il lui donna une petite tape sur la joue. « Allons, dit-il, j'espère qu'on s'en tirera quand même, mais il faudra être bien gentil, bien docile. » Le docteur alors s'écarta du lit. Il entraîna la belle bourbonnaise dans la petite pièce à côté. « Docteur, vous m'effrayez, » disait Lise sérieusement. « Mais il y a de quoi, madame. Qu'est-ce qu'elle a ? Écoutez, je n'ai pas l'habitude de raconter des sornettes, des fadaises aux parents. Je trouve qu'il est plus loyal et aussi plus prudent de dire tout de suite la vérité. « Oh, je vous la demande, docteur. Eh bien, votre petite fille, madame, a la fièvre typhoïde. »